Allez là, Clémentine extra, la Garriguette est là. Les deux sont bien. Les deux sont bien. 1 kilo. Il y a des bons avocats extra. Ah non, pas ça. Bon, j'en ai il n'y en a pas encore. Qui est-ce qui nous a servi ces avocats? Là-bas, on a besoin d'argent. C'est vraiment les toutes premières. Sont 1 kilo. Ensuite, nickel, 9,50. Un bon week-end, monsieur. Un bon week-end, monsieur. Un bon kilo, mon ami. Vous êtes bien vu. 9,50. Je vais prendre une petite grappe de banane. Allons-y. Il y a des ananas, il y a des pommes de mousse de Covid. Avec ça. Un vin et 2,80€ s'il vous plaît, madame. Merci. Bonjour. Voilà. Qu'est-ce que vous faites pour tout? C'est la Garriguette éventuellement. Merci beaucoup. Au revoir. Les asperges. Bon. Et madame. Il y aura 3,80€, madame. Il y a de l'eau rouge. Mais c'est toujours le bon. Je suis allé à un enterrement. Allez, messieurs, dames, il y a de la clémentine extra là cette semaine. La liberté. Alors, oui. Oui, là, allez, on y va, c'est 9,50€ le kilo, 9€ le kilo. Tiens, les groseilles, c'est 2€ les deux. 1€ la barquette de groseilles. 1€ le groseille. 1€ la barquette de groseilles. 5€ les deux Garriguettes. Il y a de l'asperge, il y a de l'asperge, là, il y a des profils de Floride. Bonjour, bonjour. Ah. Madame, elle m'a demandé de goûter la clémentine. Civilisateur. Ah, il y a de la Garriguette, on y va, Garriguette. Alors, tout le monde, il y a de la Garriguette. Je ne bouge pas, je ne veux pas à côté. 5 kilos de Garriguette. Alors, tout le monde, il y a de la Mosca, il y a de la Garriguette. Patron. Merci. C'est par secteur. Toi, pour ce mot, juste à fait. Juste à fait, si tu veux bien. Kilo. Ah la poussole, doucelle, doucelle, de l'asperge, de la Garriguette. Madame, allez, c'est là où il y a un peu. C'est bon. 45 ans. Merci. Il y a de l'asperge, il y a de l'asperge, il y a de la Garriguette, il y a de la vodka, il y a de la groseille à 2€ les deux. Avec cela, on a de la fraise française qui est très bonne, on a des asperges, de la groseille myrtille avocat. C'est variété qui est déjà bon, c'est comme ça, madame. Ah, la Cadémie, il y a de la Garriguette. Il y a de l'asperge. Ah, l'asperge est là, 5€ la botte. Allez, je vais voir. Il y a de la Garriguette, il y a de l'asperge, on y va. 5€ l'asperge. Il y a de l'asperge. Mais madame, il n'y a pas de soucis. Ah, il y a de la Garriguette, merci, oui. On a du pamplemousse de Floride également. Ah, la Garriguette est là, 5€ les deux paniers. 9 euros le kilo d'asperges, pour les finir, 9 balles le kilo. Pamplemousse, vous apportez vous. Comment on peut florifier ? Monsieur le président, monsieur à votre droite. Bonjour. Et des asperges à 9 balles. Non, encore monsieur à votre gueule. Bonjour. Merveilleux. Moins mûr, moins mélange. Il y a des groseilles, 2 euros les deux. Il y a de l'asperge à 5 euros la boîte. Asperge éventuellement. Messieurs, merci beaucoup. 5 euros la Vous voulez 2 euros le kilo, comme vous voulez. Les belles, c'est des marrons, c'est 2,80 kilos. 500 grammes. Les marrons, 1 kilo pour la fille. Les marrons, c'est plus sucré. C'est pas ici que vous avez arrêté. Je laisse un peu moins de fraîche. Non, ma fille. C'est vous, ça. Là-bas. Bonjour, bonjour, il y a de la Il y a de la gariguette à 5 euros les deux. 5 euros les deux gariguettes. Asperges, gariguettes. Il y a avec cela ? Celle-ci, celle-ci un peu plus partie. On peut faire un bon mélange. Un mélange. Il y a avec cela. Merci madame. Je l'ai mis un bon kilo. Ensuite, merci, bonne journée. Oui. Il y a avec ceci, madame. Il y a de l'asperge, il y a de la gariguette. Il y a des asperges, on va les finir. Alors la gariguette est là, c'est là, madame. Madame, bonjour. Bonjour les jeunes filles. C'est pour ça qu'on charge le samedi, madame. Allez, messieurs, dames, on n'hésite pas, il y a de la clémentine. La clémentine extra, elle est là. On a de la Maroc, la Tissaël. Elle est extra. Allez, on y va. Il y a de la gariguette, il y a de la groseille. 1 kg de clémentine, rangez dans votre sac. Il y a des groseilles, il y a de l'asperge, je lui vends 5 euros la botte d'asperge. 2,50 et merci. Ça vous fait 2,80 kg, hein, 5 euros. Les bananes, on avait dit 5,30 €. Il y a de l'asperge en 5 euros. On avait dit 85 les bananes. 5,30 et 80. Allez, on y va, l'asperge, elle est là. Ah, pardon. Il y a 1 euro. Il y a de l'asperge, je lui vends. Bonjour, bonjour. Ah, il y a des bananes, il y a des myrtilles. Il y a de la on y va, 5 euros les gars. 2,50 la barquette de Gary. Ah, la garriguette est là, on y va. Il y a de l'asperge française. Allez, on y va. Au revoir, bonne journée. Alors, tu es en démonstration. Vous auriez fait mieux, vous. Avec la barotte là-bas, je suis venu. Les avocats, ils sont magnifiques. Il y a de la fraise, il y a de la fraise, il y a de la clémentine, il y a des pamplemousses. Avec ça, il y a que banane. Bien sûr, monsieur, je vous fais ça. Deux cartons jaunes, il n'est pas sérieux, le cahier. Ah, la poulie va, il y a de la fraise, on y va, 5 euros la ligne. Il y a des pamplemousses fluides cette semaine. 6 pour 3 euros. Ouais, bah les autres aussi, hein. Il y a de la garriguette, on y va. C'est 5 euros les deux, les garriguettes. Il y a des fruits de la passion. Il y a deux barquettes, 5 balles, la garriguette. J'ai pas pris, normalement. 5 euros les deux, les garriguettes. 5 euros les deux, les garriguettes. Il y a de la causelle, on y va, 2 euros. Pas bon, on va aller chercher la fruit là-bas à l'intérieur. On a les garriguettes. Ah la polyva, il y a de l'asperge à 5 euros la livre. Bonjour. Il y a des belles choses ici. Bonjour monsieur. Il y a de l'asperge, il y a de l'asperge, il y a de l'asperge là. 5 euros la livre. Il y a de la fraise à 5 euros les deux paniers. Il y a de la fraise à 5 euros les deux paniers de fraise. Il y a de l'asperge, je dis. Pamplemousse de Floride. Thank you.